Planète Rap. Planète Rap. Non, tu m'as pas laissé le temps de te dire que je t'aimais autant. Le bon, le mauvais, je prends. Oublie le passé, faut voir grand. La noter, la noter. Je fais des rêves, je peux plus me réveiller. La note, la noter. C'est moi qui ai payé. J'ai mangé ma chevalière. Mon dégradé essayant. Je garde mes valeurs. Maman, je t'aime pas jusqu'à la mort. Pour moi, je vais finir plus. Ça veut David Guetta. J'ai pas les fils à papa. Je sais pas que tu prends des tabacs. Hein? C'est la crise de check, mec. Ok. Merci, Lasdon. Et merci, Matt les lives exclusifs de Planète Rap en t'abonnant maintenant sur la chaîne de Skyrock.